A 0, prononciation. Écoutez et répétez. Salut. Marhaba. Comment ça va? كيف الحال? Bien, grâce à Dieu. بخير, الحمد لله. J'apprends l'arabe. أتعلم العربية. C'est une belle langue. هي لغة جميلة. Bonjour. صباح الخير. Bonsoir. مساء الخير. Qu'est-ce que c'est? ما هذا? Comment vous appelez-vous? ما اسمك? Mon nom est Latifa. اسمي لطيفة. Mon nom est Kassem. اسمي قاسم. Merci. شكرا. Pardon. عفوا. Excusez-moi. عذرا. Prononcez et comparez avec le texte enregistré sur la cassette. Le son ha. 1. Hassan. 2. Halim. 3. Hanna. 4. Mohammed. 5. Mahassin. Le son kha. 1. Khalid. 2. Khamr. 3. Sakhin. 4. نخيل. 5. مخ. Le son A. 1. Ali. 2. Ammar. 3. Arabi. 4. Naïma. 5. Ni'mat. 6. Naam. Le son ra. 1. Ghassan. 2. Ghalib. 3. Naram. Le son sa. 1. Nasir. 2. Mansour. 3. Salat. Le son E. 1. سؤال. 2. نائل. 3. مسؤول. Le son T. 1. طلال. 2. طيارة. 3. سطل. Le son ق. 1. قال. 2. يقول. 3. حلاق. Maintenant, quelques expressions. Écoutez et répétez. 1. La paix soit sur vous. السلام عليكم. 2. Sur vous aussi. وعليكم السلام. 3. Au revoir. إلى اللقاء. 4. Bonne nuit. ليلة سعيدة. 5. Bonne journée. نهار سعيد. 6. Bienvenue. أهلا وسهلا.